8h16. José, je veux dénoncer, je suis sûr que vous vous joindrez à moi. Tous ensemble, peut-être pas les mêmes mots, là. Je veux dénoncer du racisme un matin. Mm-hmm. Il y a du racisme à Québec. Il y a du racisme au gouvernement. Et j'ai découvert du racisme dans le soleil également ce matin. Alors, on va dénoncer ça. Tu sais à quel point ça me pue au nez, moi, le racisme. Je trouve tellement que c'est... Dans le tout soleil. Oui, dans le soleil. Puis j'en ai au gouvernement également. J'ai du racisme au gouvernement, dans le soleil. Deux preuves. Moi, j'ai ça en passant, mais je trouve tellement que c'est dans les affaires que quelqu'un qui haït du monde pour des histoires de race, je trouve qu'il n'y a aucune logique à ça. Rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Ouais, mais moi, il m'est arrivé de quoi dans la vie? Avec quoi? Ben, avec un gars de telle race. Fait que, ah, ouais. Fait que tant qu'à ça, on devrait tout haïr les Blancs. C'est Hitler, c'était pas mal blanc, hein? Staline aussi. Hein? Fait que, on fait des... Tu sais, des fois, on entend ça. Ah, oh, moi, j'ai les droits. Là, ouais, parce que, mais il m'est arrivé de quoi? Ou, tu sais, depuis ce temps-là, je suis resté. Ça n'a aucun rapport, ça. Aucun. Hey, ça, moi, le racisme. Alors, on va commencer par dénoncer le racisme. C'est moi qui l'appelle demain. Évidemment, ces gens-là ne seront pas d'accord, mais dans le soleil, un matin, il y en a. Faut fouiller fort. Faut être allumé. Mais je sais que vous l'êtes. Et là, si je dis raciste, vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des Noirs? Qu'est-ce qu'ils ont dit ces Arabes? Qu'est-ce qu'ils ont dit ces Chinois? C'est pas ce genre de racisme-là. Alors, c'est sûr que ça saute pas aux yeux, là. C'est encore une fois ce que moi, j'appelle du racisme envers des Blancs. Et le racisme envers les Blancs n'est jamais dénoncé. C'est la seule race que tu peux bâcher. C'est pas grave. Regardez bien l'exemple. Ça nous vient de Raymond Giroux, du Soleil, que je ne lis jamais. Parce que c'est un biaisé, c'est un bloquiste, c'est un anticonservateur. Fait que moi, regarde, il a le droit de s'exprimer. Fait que moi, je fais ce que je dis à certains auditeurs de faire quand je lui dis « j'arrête pas si je vous énerve à ce point-là ». Je lis pas Giroux, il a le droit à sa job, c'est bien correct de même. Mais un matin, il signe l'éditorial du Soleil, ça me surprise. Hein? Raymond Giroux, il est chroniqueur à Ottawa, il passe son temps à dire que les conservateurs, c'est de la merde. Là, il est dans l'éditorial. On va aller lire ça. Il y a des chiffres intéressants. Il nous dit qu'au Canada, on est rendu à un Canadien sur cinq qui est né à l'étranger. C'est tel que tel. Mais rien à dire là-dessus. Il est rendu à un sur cinq. Bon, mais vu que je suis pas raciste, moi, ça me dérange pas. On continue. Lui non plus, ça le dérange pas, un sur cinq qui est né au bout du monde. Bon, on est pareil. On continue. Mais il dit à Québec, c'est pas de même. Alors, après avoir dit au Canada, un sur cinq est né à l'étranger, c'est quand même beaucoup. Il dit à Québec, c'est pas ça pantoute, c'est pas 20%. Il y a seulement 4,4% d'immigrants à Québec. Bon, après avoir dit qu'il y en a un sur cinq, mais à l'étranger au Canada, 20%, tout le monde ferme sa gueule, on est pas raciste, on est d'accord avec ça, c'est bien correct. En autant que c'est des cols rouges qui se lèvent le matin puis qui travaillent puis ont les mêmes valeurs que moi, fondamentalement, et qu'une culture différente, j'en ai rien à foutre, une religion différente, je respecte ça, mais les valeurs fondamentales, tu te lèves le matin, tu travailles, ta couleur, je m'en fous. Alors, Giroux écrit, il y en a un sur cinq au Canada qui vient ailleurs. Il y a rien à dire contre ça, mais là, oh, scandale! Québec est blanche. Ah, le Canada est jaune, noir, mauve, beige, et que c'est beau. Puis ça, c'est correct, puis on aime ça. Mais Québec est blanche. Peut pas s'empêcher. Une conclusion s'impose, toutefois, de cette situation. Non pas à contre-courant, mais plutôt à côté du courant. Québec, parle de la ville, Québec rebute tout ce qui n'est pas pure laine et se prive ainsi d'un dynamisme et d'expériences nouvelles qui favoriseraient, disons, une essentielle ouverture sur le monde. Québec est trop blanc. Parce qu'on est blanc, on est fermé sur le monde, on n'est pas dynamique, on est... Est-ce que Raymond... chercher des bébites hein, pareil. Est-ce que... Moi, je suis écœuré, je suis plus capable d'entendre ça. Ça va-t-il ben, ça... bien à Québec, honnêtement, bon. Là? Ah, moi, trop blanc! Moi, trop blanc! J'ai écrit ma réponse ici. J'ai pris la peine un matin, ma feuille ici, de faire une réponse à ça. Va chier. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que ma première esquisse. C'était mon brouillon. Ouais, j'ai écrit ça. Il y a un petit téléphone, là, je te sais. OK. Voici ma vraie réponse. Non. Écoute, m'a surpris, là. Tout le monde me regarde. Là, c'est ce qu'on a fait, là, ça. Ça t'en pas. C'était ça, le but. Est-ce que Raymond Giroux serait capable d'écrire que Pékin est trop jaune? Est-ce que Raymond Giroux, parce que tu sais pas, c'est déjà allé à Pékin ou à Tokyo? Moi pas. toi, José, oui, puis d'autres. C'est jaune, pas à peu près. Il y a pas beaucoup d'immigrants dans ces pays-là. Pas beaucoup de noirs, pas beaucoup de blancs. C'est des sociétés assez fermées. Le Japon, notamment, c'est fermé. Est-ce que Raymond Giroux serait capable d'écrire dans le Soleil sans se faire taxer de racisme que la ville de Tokyo est trop jaune, que les citoyens là-bas, mais les gens de Tokyo, ne sont pas dynamiques, ne sont pas ouverts, ne sont pas... Est-ce que Raymond Giroux pourrait écrire que Kingston, la capitale de la Jamaïque, est trop noire? Allez sur le site du gouvernement canadien officiel. Là. Ils vous avertissent, si vous êtes blanc, de pas aller à Kingston. L'espérance de vie d'un blanc à Kingston se compte en heures. Tu te fais tuer. T'es en rue. C'est une des villes les plus violentes au monde. Et c'est noir mur à mur. Est-ce que Raymond Giroux pourrait écrire que Washington et Atlanta, c'est trop noir? Et qu'il n'y a pas assez... Même affaire, là, je sais qu'il écrit pas textuellement trop blanc. Mais ça en vient à ça. Est-ce qu'il pourrait écrire, à Washington, il y a juste 20% de blancs? Hein? C'est pas correct. Les citoyens de Washington se privent d'un dynamisme, de quelque chose d'autre. C'est trop noir. Non. Jamais. Lorsque, même, ça c'est le même pattern comme femme. Quand la femme est minoritaire dans un endroit, c'est problématique. Faut qu'elle soit, ça n'a pas de bon sens, discrimination, faite de quoi? Okay? Quand l'homme est majoritaire, c'est toujours un problème. Mais quand c'est l'homme qui est minoritaire, c'est juste normal. Pareil. Nous autres, les Blancs, partout ce qu'on est majoritaire, c'est parce qu'on est raciste, parce qu'on est, on veut juste des pure laine, parce qu'on est fermé, je reprends ces mots, pas assez dynamique. Par contre, quand les Noirs sont majoritaires, lui, Raymond Giroux, il trouve-tu qu'il y a trop d'Arabes à la Mecque ou, je sais pas, moi, dans ces villes-là, à Alger? Mais non. L'immigration, écoutez-moi bien. Moi, je suis pas contre l'immigration. Ça me dérange pas une ville multi... Oui, exemple, Montréal, Toronto, moitié-moitié. Toronto, c'est rendu moitié immigrant. Est-ce que Toronto est une belle ville? Oui. Ça va-tu bien à Toronto? Oui. Est-ce que j'aime Toronto? Non, oui. Il y a des contextes. Pas de problème avec ça. Le taux de chômage à Québec, on s'entend que ça va assez bien. T'es fait travailler où, les immigrants aussi, de toute façon? Ben, tu sais, il y a tout ça qu'il faut calculer. C'est ça. Hein? Puis on est bien à Québec. Tu peux être une très belle ville, ouverte, dynamique, intelligente, à 95% blanche, et tu peux aussi être une ville ouverte, dynamique, intelligente, comme Toronto, 50-50. C'est pas la couleur de la peau du monde, c'est ça, être vraiment pas raciste. C'est passer par-dessus la couleur de la peau. Mais ils sont pas capables, car c'est trop blanc, ils aiment pas ça, parce qu'ils s'aiment pas, ils aiment pas l'Occident, ils aiment pas ça. C'est ça le grand mal de l'Occident. On s'aime plus, on n'aime plus nos valeurs. Quand on est majoritaire, une place est rendue un défaut. Non! Je revenais à mon brouillon, j'ai failli redire ma phrase de brouillon. On l'a bien saisi. On l'a bien saisi, là, à Québec, là? Bon. On a il faut continuer à être ouvert. Il y a des immigrants. Il y en a plein! J'ai salué un matin, j'envoie dans le taxi régulièrement, il y en a beaucoup, je jase avec eux autres. Super intéressant, dernière conversation que j'ai eue sur la Tunisie avec mon chauffeur qui venait de là. Moi, ça m'intéresse. Mais ça va dans ton pays? C'est qui se passe? Ça va-tu aller du côté de l'islam radical? Je suis content d'avoir un gars qui vient de Tunisie qui me parle. Mais s'il était pas là, j'aurais pu ouvrir l'internet, lire le journal, puis me renseigner sur ce qui se passe en Tunisie, puis être ouvert sur le monde. Je sais pas si tu me comprends. Ben oui. J'aime ça, moi. J'aime ça avoir des restaurants comme toi. J'aime manger des affaires, la culture des autres. J'aime voyager. Alors, bienvenue à tous ces gens-là, col rouge d'ailleurs à Québec. Mais ce n'est pas un défaut d'être trop blanc. Blanc, c'est pas une mauvaise couleur, OK? Deuxième raciste. Au gouvernement provincial. J'ai hâte d'entendre ton commentaire là-dessus. T'en réponds. ça m'a tellement frappé hier. Ça fait à peu près des mois que le gouvernement péquiste et les nationalistes dénoncent les pubs sur l'histoire canadienne payées par le gouvernement Harper. Tu sais, les fameuses pubs sur la guerre de 1812 que le Canada a gagné contre les États-Unis. Mm-hmm. Hier, au Franc-Tireur, ils ont fait tout un show, puis les péquistes déchirent leur chemise là-dessus. Ils ne veulent pas que les Canadiens anglais trouvent ça scandaleux qu'on fasse la promotion de l'histoire du Canada. Qu'est-ce que le ministre de l'Enseignement, Pierre Duchesne, a annoncé avant-hier? Qu'il allait rajouter des cours d'histoire obligatoires au cégep pour parler notamment, je le cite intégral, des patriotes de 1837. Il trouve qu'on n'en parle pas assez. Pas des poids, deux mesures, Sylvain. Alors ça, c'en est du racisme envers le Canada anglais. Et personne le voit. On nie aux Canadiens anglais le droit d'être fiers de leur histoire. Puis pendant ce temps-là, nous autres au Québec, on dit on n'en fait pas assez, il faut parler des patriotes qui se sont rebellés, qui ont le pays. On est dans la politique encore. On est dans le deux poids, deux mesures et on est dans une forme de racisme au sens large. Là. On nie aux voisins, les Canadiens anglais, ils Ils ont-tu le droit d'être fiers de leur passé? Est-ce que la guerre de 1812, moi, est-ce que ça vient me chercher énormément? Non. Toi, José? Non, pas tant que ça. Moi, je m'intéresse à l'histoire. Mon côté fan d'histoire, oui. Comme citoyen, plus ou moins. Mais je les respecte, les Canadiens anglais. Ils ont le droit d'être fiers de ça. C'est, tu sais, ce pays-là s'est bâti avec des loyalistes qui ont quitté les États-Unis parce qu'ils voulaient rester fidèles à la reine. C'est leur culture fondamentale. Ils ont ça dans les gènes du Canada anglais, là. L'amour de la royauté, puis le conflit avec les Américains, c'est en eux. Que Harper veulent faire la promotion de ça. Les nationaleux du PQ passent leur temps à dire qu'il faut favoriser la culture québécoise, l'histoire, notre passé. Faut être fier de leur culture à eux. Mais la culture des Canadiens anglais, ils sont pas capables. Ça leur donne des boutons, ça leur donne des... Il y a pas là une forme un peu de racisme aussi et d'intolérance envers l'autre? 8h27.